100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Et c'est parti juste après Default pour La Nocturne 100% rap français avec un projet qui est dans les bacs depuis une dizaine de jours maintenant qui s'appelle Rap Ghetto 2. Polo, comment va? Ça va, cool, la famille, merci. Bon, c'est toi qui es à l'origine de ce projet? Exactement, la belle Redon Music. Prends bien le micro qu'on t'entende bien, qu'on entende ta belle voix. Yes. Voilà, parfait. D'où nous vient ce petit accent, Polo? Alors, il vient de Nîmes. Nîmes. Dans le Gard. Dans le Gard, ouais. Ben, on salue le Gard, on salue Nîmes et tous les gens du Sud à l'écoute. Yes. Alors, un petit mot, comment est né Rap Ghetto, là, c'est le deuxième volume? Eh ben, c'est un petit concept dans ma tête. En fait, le premier était sorti chez Vagram en 2007. Je venais de créer le label, ça faisait tout juste un an, suite au décès d'un ami qui s'appelait Redouane, d'où Redouane Music, le nom du label. Et c'était pour les 1 an de mon fils aussi. Donc voilà, j'ai eu un deuxième fils, Rap Ghetto 2, voilà. C'est le deuxième fiston qui vient de débarquer. Exactement. Mais l'idée c'est quoi? C'est rassembler toute une scène de rap de rue? Pas forcément de rap de rue, de rap tout court, j'ai envie de dire. C'est... Dedans il y a du rap de bandit, il y a du rap de rue, il y a du rap... dansant, enfin, il y en a pour tout le monde dedans, t'as vu. Et il y a combien? Il y a 100 artistes, c'est ça? Ouais, près de 100 artistes. Le truc de dingue, hein. 40 titres. 40 titres. Voilà. Double CD qu'on peut trouver dès maintenant. Dans les bacs. Dans les bacs. Est-ce qu'on peut télécharger aussi? Bien sûr, sur iTunes, mais pas illégalement. Évidemment, sur iTunes. Donc allez-y, allez cliquer. Il y a du monde autour de toi. Tu veux nous présenter un peu qui est autour de toi, de faire rapidement le tour? Allez, on va commencer par la gauche. Mais par celui par qui est possible cette soirée. Eliem. Voilà. Qui est ouais, là. Ouais, ouais. Ça va bien, Eliem? Salut, mon pote. Comment va? Bah, écoute, en pleine forme. Hein, c'est vrai que tu es venu avec Polo en me disant qu'il faut absolument faire une nocturne pour présenter Rap Ghetto 2. Faut soutenir, hein, mon pote, hein, Red One Music. On est là. Hein. Toi, t'allais souvent d'ailleurs du côté de Nîmes aussi pour faire. Moi, je galère partout. Hein. Un vrai galère, hein, voilà. Donc, dès qu'il y a une possibilité, hop, direction Nîmes. Voilà. Bon, t'es présent d'ailleurs pas mal dessus. Hein. On est là, on ramène un peu de force. En tout cas, les frères, faut soutenir, faut aller pécho le CD. Et voilà quoi, tu vois, il y a des choses bien qui se font un peu partout, tu vois, surtout sortir un projet comme ça avec 40 titres, une centaine d'artistes, tu vois, il y a quand même beaucoup de travail derrière quoi. Et bon, presque 2 ans. On va pouvoir le découvrir. Donc Eliem, après on va faire le tour de table, mais là peut-être que c'est bien aussi de débuter avec un morceau Les Assos de Malfra. Avec Dry. Dry du Watibé, évidemment, Dry d'RY. On débute avec le morceau qu'on a diffusé, qu'on peut retrouver sur YouTube et bientôt sur Trace TV. À l'écoute, voilà. On voit de cette nocturne. Planète Rap. 100% rap français. DRY, à source de malfrat. Orly choisi. 9K. Watch big, gros. Mafia africaine. RATS, yeah, la quartier, 9-4, 910, 9-4, 600, 9-4, 9-4. Depuis 2005, mon premier couplet t'en brûle tout. Moi c'est Giton du 9-4, j'allume mon joint et j'pose mon pléco. J'allume mon joint et j'pose mon pléco. Le petit qui vend, c'est moi qui fais cool. Fais le fou, je sors le quincou. Y'a pas de voyou, j'm'en bats les yeux coups. Y'a pas de voyou, j'm'en bats les yeux coups. Touche au petit, tu touches à ma poche. Le calibre dans la sacoche. Un qui bouge, m'accroche dans sa bouche. J'veux de la frappe, ouais, au prix de tout. J'remballe tes tarots, gros, tu te la touches. J'remballe tes tarots, gros, tu te la touches. Ouais, c'est pas moi que tu vas cartouche. Mes pains, j'aime sans cliquer. C'est comme B, c'est à niquer. Par l'oseille, on est piqué. On veut tous un salaire, tiens, qui arrête piqué. De coups de boule, tourne, on a kické. Rare de voir un frère se faire acquitter. Des bouts de face qui finissent clippés. Pour soit plat et constipé. Rare de voir un chinois typé. Les conditions bouillantes, l'air que tu peux. À trop faire les grands, tu vas te faire gifler. À trop jouer la grande, tu vas piper. Avant une guerre, faut s'équiper. Pardonner son boule comme une prostituée. Dans la rue, y'a deux parties. Les faussaires et la virilité. Si dans nos rimes, on rappe le crime. C'est qu'on a déjà du sang sur les doigts. Rien à foutre de ce que nous vont tatine. C'est Orléans en vite avec choisi le roi. Ah, Ramza Renoir. Sous prêt à coucher les rois. Si tu veux de l'authentique, le gros fait taire le faux et fait place au malfrat. Si dans nos rimes on rappe le crime, c'est qu'on a déjà du sang sur les doigts. Rien à foutre de ce que nous vend ta team. C'est Orléans en vite avec choisi le roi. Ramza Renoir. Sous prêt à coucher les rois. Si tu veux de l'authentique, le gros fait taire le faux et fait place au malfrat. Il rêve de nos vies. Oh, moi mes cauchemars sont réels. Y'a pas de game, c'est que de la survie. Ou le pouvoir de goûter un peu l'irréel. La vie de quartier, en connais-tu le prix? Haine, violence, ton balle sont des pierres. Pas besoin de jouer au voyou dans les peu-culs. Pour valider ton CV mytho du terre-terre, on te fuck. T'es gore, mais comme métaphore. Je suis froid comme le canon collé sur ton corps. Les galons de la rue gagnent corps à corps. T'es pas trop le fou, on aura de bons rapports. Hurricane sur vos dossiers, crime sale, t'en fous, fais le gosier. C'est la guerre, non, tu pourras pas négocier. Et ton corps lui finira dans les rosiers. Contre tes boules de béton contre un bout d'argileux. C'est du direct, cache pas des mots. J'aime faire un soudain en guise de stylo. Je vois les frères qui parlent en kilofan, c'est l'eau. Langage nitro, c'est qu'à plastique. Guerrier à guerre, tout gang graphique. Bad, c'est le mari d'une fanfic. Je viens de la cité, j'en connais les principes. Je suis sur le trône à l'aise. En détresse, elle s'y sortait les balises. Je kickais ses cartes, sac malaise. J'en place une investisseur de Brazzaville. Oh, yeah. Siffler les bras, cruel et les brottes, chargés sur les cales. Ouais. Ma clique la bonne égale, big up à tous mes refs, à tout dans l'illégal. Si dans nos rimes on rappe le crime, c'est qu'on a déjà du sang sur les doigts. Jacques Cartier, gros. C'est la foudre de ce que nous vaut ta team. C'est hors de l'envie, t'avais choisi le roi. Rap à Renoir, tout prêt à coucher les rois. Si tu veux de l'authentique, gros, fais taire le faux et fais place au malfrat. Hey, c'est dans nos rimes on rappe le crime, c'est qu'on a déjà du sang sur les doigts. C'est la foudre de ce que nous vaut ta team. C'est hors de l'envie, t'avais choisi le roi. Aïe. Rap à Renoir, tout prêt à coucher les rois. Si tu veux de l'authentique, ouais, gros, fais taire le faux et fais place au malfrat. Y'a des mythomanes, je viens faire du sale. À source de malfrat tatoué sur le pêche. B-A-R-2-R-A-B-A-R-2 sur les mains pour débarrer toi ta bouche. Rap, j'ai la dalle, ouvre ta bouche, biatch. Je l'enfonce et tu bégouches. Y'a que des puces, ils ont des grands problèmes. On arrive, on fout le cramponné. Wesh, le rap game, on va le cramponner. Nous, c'est le rap de cave, tu connais. Y'a pas de suceur à nos côtés. Que des mecs déterminés. Bœuf, carte, j'ai cessé. Ouais, bouti. C'est la thermie. On arrive, jour, y'a pas d'acteur ici. Tu veux de la frappe, viens par ici. Qui n'a pas cru en la source de malfrat. 2014 sur ma vie, on verra. Un pour mes sauces, deux pour mes rats. La sur dans ta malfrat, sous ça blague pas. Rapport français, mais mon style est carré. Qu'est-ce que tu fais, mec? Mais t'as dû t'égarer. La rue, ça blague pas, on te l'a pas dit. Ouais, tu fais le malin et tu manges une flugie. Moi, je suis parti de rien. Attends, je vais attendre le sommet. T'as fait l'euro. Avec mes sauces, je t'oublie. Je suis parti de l'élite. Et ça, faut pas le nier. Accompagné de DR. Mon négro, ça va chier. Si dans nos rimes, on rappe le crime. On sait qu'on a déjà du sang sur les doigts. Rien à foutre de ce que nous vaut d'un DRY. Orléans, vite, t'avais choisi le roi. Rapport à Renoir. Sous prêt à coucher les rois. Si tu veux de l'authentique, gros, fais taire le faux et fais place au malfrat. C'est dans nos rimes, on rappe le crime. On sait qu'on a déjà du sang sur les doigts. Rien à foutre de ce que nous vaut d'un DRY. Orléans, vite, t'avais choisi le roi. On est là, gros. Renoir, ouais. Tout prêt à coucher les rois. Si tu veux de l'authentique, gros, fais taire le faux et fais place au malfrat. Zouk, rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Paulito bandito briganto. Je suis un kamikaze. Kamikaze. Je suis un kamikaze. Grosse dédicace à tous les narcotiques. La jappe, le broc, la braque, les locks, l'embrigade du choc, les ragales du bloc, les traites et les chouettes à taillettes qui nous guettent sur ma tête, c'est bête pour que je les baisse. Sans oublier les balances et leur conscience, depuis U-U-T, les su-U-U-T, ça U-U-U-T, U-U-T, faut que je les baisse. Comme des prostituées, depuis gosse, combien de grosses salopes rêvent de me tuer. Je m'y suis habitué, dans la zone je suis situé. N'allemouk, les substituts, les bébés du banquet. Comptez sur qui? Sur toi ou sur lui? Moi je préfère compter sur ma bise et tant pis si l'état me punit. Insomnie, paranoïa, jour et nuit. Sans bibi, rouille, shit, air, crack, coca, flit, vide à l'enquête. Que des coups de fumée, des coups d'enculé. Terre, je reste matriculé. Je vois trop de menteurs en feu d'enculé. Parle pas trop, je vois reculer. Pour toi, sous les cesses de capituler. Rien n'est gratos, prépare les bastos. J'ai demandé à mes sens, ils m'ont dit culé. J'suis pas fortuné, nique le game, pack d'in game. L.I.M. comme Caspando. Choisir terre, l'air peu de vrai. Donc choisis bien tes potos. On s'en bat les couilles de qu'est-ce que tu mets. Combien t'as mangé, combien t'as fumé. On s'en bat les couilles de ce que t'as fait. Si t'as fait des fautes, est-ce que t'as assumé. Ce que j'ai fait, j'assume. Ça fait des belles femmes, de la drogue, la thune. Car là, j'ai des petites allumes. J'fume des pétards et j'mate la lune. Pas de confiance, on te pose la thune. Tu parles non, t'as vu sur le bitume. Pour l'argent, beaucoup trop postule. Je ne joue pas de rôle, je n'ai pas de costume. Rafale, gros, le terre-terre tue. Illégal, se perpétue. Dis rien quand tu ne sais plus. Tu racontes des histoires, mais quand sais-tu. Ça fait du front de sèvres, on vit la même jusqu'à Bariol. Je veux faire du bif, y'a plus de place pour les marioles. Même bien, on est en chien dans mon cœur. J'ai trop de haine, je comprends plus rien. Je vous la merde, dès que je suis sucré, ça charbonne sur le terrain. Tacle au haut de scène, alors fais pas de malin. V'la kamikaze, l'IM. donner la musique. Yeah, yo. One, two, three. Ils enferment mes frères de Bariole au concert. Pour tous, c'est la même galère. Pour nos pères, pour nos mères, pour nos frères, pour nos soeurs, on est prêts pour la guerre. Youssef. La voir. Même si dans le champ, nous on perd jamais autre chose. Samira, tout s'illicite. Paulito. C'est la nocturne 100% rap français. Il y avait deux morceaux auparavant. Un morceau avec Assos de Malfra qui sont là aussi, qu'on salue. C'est ça. Ça va bien, messieurs? Ouais, gros, ça va ou quoi? En pleine forme? Ça pêche. Quelles sont les nouvelles pour Assos de Malfra? Bah, on est là, on a sorti la mixtape là. Mmh. En septembre. Tu veux de la frappe bien par ici, les gars? Tu veux de la frappe bien par ici? Si, si. Ça va, c'est bien téléchargé, tout ça. On est content. Là, on arrive avec un nouveau projet bientôt. Donc, pour 2015, nouveau projet de Assos de Malfra? Soit fin 2014 ou début 2015. D'accord, donc on suivra ça pour Assos de Malfra. On écoutait le morceau avec Dry. Avec Dry, il y a un clip qui est sorti là. Et le clip est dispo sur YouTube. Allez cliquer, allez suivre Assos de Malfra, c'est sur Rap Ghetto 2. Exactement. Et il y avait un morceau avec Eliem aussi, Kamikaze du Liga One Industrie. Et Samira qui est là aussi avec nous, qu'on salue. Ouais, salut tout le monde. Dans le studio. Ça va, Fred? Ça, tu te sens pas trop seul? Non, j'ai l'habitude, tu connais. Je sais que t'as l'habitude, tu sais. Je sais que t'es mission 4x4 en permanence. Ah, c'est ça. C'est ça. Bon, à l'instant, c'était deux extraits. On va continuer à découvrir. Il y aura du live aussi. Tout à l'heure, je dis ça avec les gens, les intervenants qui sont là dans le studio. Il y a du monde ce soir. Polo, qu'est-ce qu'on met maintenant? Eh ben là, on va suivre avec le troisième titre du CD1. Mm-hmm. Batso, Hulk Henry, Nak, Django Jack, Sams et Hobbs. Avengers, c'est les gars, les frérots de Bordeaux qui sont montés jusque là pour donner de la force au projet. Fais-les venir au micro, quoi. Qui se rapproche du micro, parce qu'il y a du monde un petit peu. Ah, ça y est. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est un titre que j'ai découvert quelques jours après qu'il l'ait publié. Mmh. Et vu que je l'ai validé direct, je les ai contactés pour le mettre justement en exclusivité sur Rap Ghetto 2. Ouais, moi j'avais passé ce morceau dans la nocturne, je me souviens aussi, dans quelques nocturnes, oui. Je l'avais passé. Si, si, merci Fred, on te remercie. Ça va bien? En forme? Merci pour le soutien. Si, si, on est là. Les amis bordelais, comment ça se porte le rap à Bordeaux là? Ah, ben écoute, on est là, on essaye de le porter au maximum, frère, on est là. Hein. On kick, frère. Bah, un petit mot pour vous suivre, par contre, les gens qui vont peut-être vous découvrir, où est-ce qu'il faut aller cliquer, où est-ce qu'il faut. Tu tapes Nobla sur Google, tu vas nous trouver. Robs Batso sur Google, Robs, t'inquiète, on est Robs là, frère. Et Batso. Tu nous trouves. Et on vous retrouvera aussi en freestyle tout à l'heure. Si, si. On écoute. Bah, j'espère pour vous, ouais. On écoute le morceau Avengers. Ouais. C'est ça. Nocturne 100% rap français. Je suis un soldat. Et je me cache depuis trop longtemps. Moi, je suis vert de race. Alors pardonnez ce couplet. Je suis pas Gandhi. Je gagne pas la guerre en prônant la paix. Dévoile bon. Et pris devant la brute. Et le truand Avenger. Voilà la rime des mutants. Débutant sur BPM. Si le monde s'endort vite, c'est qu'il baisse le game. France à dose d'endorphine. Mauvais karma. La concurrence paraît apte. Envoie maison gamma. Sur la planète trace. Carrière engagement. Ils m'ont proposé l'échange. J'avoue l'offre est alléchante. Dans le cas échéant, j'en parle dans la légende. Stylo entre les jambes. Des mains faites pour sauver le monde. Des oreilles remplies de merde. Trouver le tesseract et des rappeurs qui se perdent. Vendez vos âmes au diable. Moi ce qui me suffit de faire. J'envoie mes Avengers voir Lucifer. Guerre a commencé. L'armée des lumières. Entre ombre et lumière. Si tu connais pas Avengers, écoute ça, père. On est là. Ils sont là. Il est en ma musique. Dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Nous les lyrics. Dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Le rap français perd son pouvoir. Il a besoin d'un vengeur. Hey. Ils ont marqué les son histoire. De... Mais où sont mais là, les Avengers? Look up in the sky, it's a bird, it's a brain. Je fais mon zéo, le rap game connaît mon prénom. Il fait vraiment phéno, je kick comme un héros. J'amène ta zicotello, ça y est, j'ai brisé les chaînes. Je suis dans un créneau de turfu intergalactique, moi je rime sur Mercure. La paix, moi la pute, fais pas de tête, je suis un mutant. Tu crèverais en luttant, enfoiré débutant. Faites un régime du camp. Là c'est du vrai hip-hop que tu ressens. Wu-Tang Clan, depuis le temps Zizi Durclan. Batso Avenger. C'est comme un frérot. Au-dessus du rap game, plane comme un grand héros. Pas besoin de vos bling bling à 30 euros. Excel dans la rime fine à Montero. Kick comme un challenger, deal comme un manager. Rime au laser, je deviens vert, je suis un Avenger. On veut nous enlever nos pouvoirs, et je trouve ça chum. Ils veulent plus voir nos sale gueule au social club. Même si t'es le grain de sable, t'as à casser la machine. T'en prie, me touche pas, tu vas te cacher la machine. Oh, ouais, ouais, ouais. Ne pas tes veines si c'est tes artères. Je ne jugerais pas mes frères si c'était ta paire. Putain, trop de balivernes, je fais mes affaires. Le bâton dans les roues, man, au lieu de me freiner, ça me sert. Si tu veux me tailler un costard, moi je marche nu. Ne renonce pas, n'en accepte pas le match nul. Le rap va mal, ça fait mal aux faussaires. J'écoute le rap, le vrai, hein, pas les faussaires. Ils vendent leur âme pour une maladosette. Le rap, c'était mieux avant, j'ai plus magnéto. La belle époque, du vrai hip-hop, elle est déjà loin. Les derniers des Mohicans pour remplacer par des potes. Je suis pas dans le game, moi je suis dans mon coin, je brille de l'intérieur, MC laisse la lumière éteinte. Ice, or noir, eux des chaînes en top. En trade, ça veut ma mort, j'ai l'oreille à spot. J'ai mon mic, une corde, du scotch, à base de pop, pop, pop, pop. Les imposteurs se mangent des coups de crosse. Valeur sûre, ils le savent, va leur dire, je fais de la pure, ça coupe pas au flac, t'as des guns. D'après toi, fais le malin, tu feras sauter une couille comme Cheddar dans 8 Mile. C'est ça le danger, y'a plus de plan B. Quand ce que tu rappes te fait flancher. Je suis sincère dans mes textes, mon rap comme le rat du piano. Le corps du vrai hip-hop est dans le coffre d'un piano. Tout le monde, prends ma musique, dites-moi où sont les Avengers. Prends-nous les lyrics, dites-moi où sont passés les Avengers. Le rap français perd son pouvoir, il a besoin d'un vengeur. Ils ont marqué sur une histoire, mais où sont les Avengers? Je pensais pas être à la hauteur. Apparemment, je suis. Comment déjà? Avengers. Imprévisible. C'est mon one. Les Anriens. C'est si. Là, Bordeaux. Ça fait longtemps que je suis dans le rap, que je décherche ça. Sur Bête, Tatini, Hermat, ça rappait sur les toits. Maintenant, ça rappe pour le fric, plus de valeur et de principe. Prends balle ta mère, pas de billard, ni de bling bling. Dans mes clés, le rap est en danger. J'ai mieux sauvé des forces du mal. J'ai mon armure, Iron Man, les MC sont commerciales. La vie, pas le monstre en moi. La vie de Banner. L'athlète, c'est intouchable, mes acolytes sont toujours vénères. Je me balade comme un toit dans le Sahel. Je suis pas le boss de Paname, seulement le boss de moi-même. Le cas, c'est pratique. Un problème, y'a la scène. En premier, je te lis au l'armée algérienne. T'es mon man, c'est pour les mecs qui ont la rage. Nos ennemis, on les terrasse. Spécialiste en nettoyage. Comme Superman, je vole au secours des opprimés. Dans ce bas monde, s'il faut mourir pour ses idées, j'hésiterai pas une seule seconde. Yo, musique addictive. Sam Coloquin, alien, géométrie, frère. Ultime style du maître. Le sticks du game, non. Le six hour, je te brise une aile. Deux, je te twin pour eux. Pire maudit à terre. Lèvez les yeux, je me fais entendre ce que je vois. Fermez les yeux. Tu vois ce que je veux dire. Marvel arpège pour Wolverine. Gène mutant, maladie orpheline. Blockbuster, Beck Benzen. J'crache feu purple. Bud Spencer, flow à la géométrie alien. Il me piche pas comme un Black Panther. Ta fraternité arienne. Je gomme conne sur eux. Des rimes hors normes, crop circle. Ouais, des knockdowns sérieux. SAMM, coloquin, des tendards en sur. Aïe aïe aïe, mon PS arrive, frère. R.O.P.S. A.K.A. l'homme et l'instinct. Défourailler la poche, fais du rap, pas de la plastique. Je reviens briser le game avec les frères. Montrer les crocs, le vrai hip-hop. On a marre de se laisser faire. Tu viens ta pointe. À qui c'est à temps. C'est pas une clash, juste une mise à la menthe. Implique une feuille corrosive comme l'amiante. Doré d'acier quand je passe derrière le mic. Tu te lamentes, je lamente. C'est pas fini. Le rap actuel, moi je le détruis. C'est devenu de la variété. Hey, ça m'ennuie. Pas une équipe panée. Poussé au suicide, venu d'une autre planète. Mais qu'on est invincible, je te gifle à travers le mic. Plutôt que baisser mon pussy. Double kick à l'ancienne comme Bruce Lee. Avec ou sans pouvoir, pour nous pas de soucis. Avenger, frère, ça va aussi. Le rap est en danger. Des mains faites pour sauver le monde. Les oreilles remplies. Ouais, ouais, SS. Les oreilles ça. Ouais, ouais, pour tous les rageux. Regarde où on est, mon frère. Bordeaux, on est là, on est au-dessus, mon frère. Écoute ça, Avenger. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Hey gros, hey Raitos, ah, écoute ça, ma gueule. Sale de main armée, main, c'est là où j'habite. passe ton drôle car il est pas que baisse la vie. Je reste hétéro même si les concurrents ont des bouches à bip. Qui se ressemble, ça sent ta meuf pute de la snake. Et toi, toi tu pute la bite, ouais. Je plaisante et vite, ouais. Le frigo est vide, ouais. Parle-moi de bif, ouais. Me présente pas tes pites, ouais. Au micro, je ne donne pas de nom. Au micro, je ne donne pas de nom. Pas de promesse, uniquement des menaces que je vais mettre à exécution. Ouais. Je reviens dans le game, code top sur la pute. Long comme la peine de SO2 et de 2-2. Déterre même chez les pyromains, je vais mettre le feu. Nique, nique ta grand-mère si t'es proc, juge ou bien feuk. Connu l'armement, 6M16. Des trois frères, je veux contester. Kessler ou Kessler. Jamais, jamais. SO2-2-2. Ça fait toujours mal. Vipak, Gélani. W. Ça fait toujours mal contre jamais. 9-4. Ça fait toujours mal contre jamais. Lève ton majeur pour les rappeler, quand j'ai dû rentrer au sort du bar. 9-3. Ou dans un bordel, dans le parloir ou bien dans le game. T'es un braco ou une biche, j'ai pas le time, j'suis à l'heure de Genève. M'en fera des armes de Rambo. Je frôlais comme Sambo. J'investis dans la pierre avant de passer au Lambo. Imagine Paris, j'suis avec mon braqueur. 9-15, lâche à 300, bord d'Italie. Mes rétos sont pas peur. Chassé en GP800. Donner ton cul, ça sert à rien. Même si t'as une vie de merde, formé seulement par mes anciens. On parle de sous sur une table de poker. Raidos, avant de toucher le ciel, pose ton front sur le sol. On parle pas de fil et frac quand les aigus s'affolent. Il suffit d'une balle pour t'ôter ta couronne. On efface pas une ardoise, même si t'es bonne. Connu l'armement, 6M16. 9-3. Bondi au Vermilliers. Jean-Ménil. Jamais, jamais, jamais. Ça fait toujours mal quand je la mets. Ça fait toujours mal quand je la mets. Ça fait toujours mal quand je la mets. Ça fait toujours mal quand je la mets. Lève ton majeur pour les refs et les frangines du rentrer. Rentrez tous deux, ma gueule. Moi je rentre dans la pinka. Mes frères, en gros, je t'aime. Mauvais garçon, dans le 6-3. Avant de taper haut de main. Mauvais garçon, si tu maîtrises pas, c'est le pire des cauchemars. Mauvais garçon, chez nous on flippe pas, devant les gyrophares. 86 on démarre, tous ceux qui brillent on les bébats. Tu te fais mêler dans la foule, prie le Seigneur pour qu'on sépare. C'est la 16 année, et le Val-de-Marne. 16 année, et le Val-de-Marne. 16 année, et le Val-de-Marne. 16 année, et le Val-de-Marne. T'as reconnu l'armement. Allez, Mouse! Putain, je veux contester. Qu'est-ce jamais, jamais, jamais. Ça fait toujours mal quand je la mets. 9-4. Ça fait toujours mal quand je la mets. Tous les frères ont fermé. Toutes les maisons d'arrêt. Ça fait toujours mal quand je la mets. Lève ton majeur pour les refs et les frangines. Tu rentrais au sort du palais. Rap Ghetto 2, ma gueule, c'est dans les bacs. Cours! Cours! C'est la nocturne 100% rap français, 100% rap ghetto 2, 40 morceaux sur un double CD avec à l'instant avec monsieur Six qui est là, qui est présent. Ouais. Wormsty aussi qu'on salue. Ouais, gros big up à Wormsty. Six, comment va? Ça va, ça va. C'est plaisir un peu mieux de t'entendre en chair, en os et en voix. Ouais, ouais, ouais. Bon, tout se passe bien? Ouais, ça va, ça va. Ça va? On a repris les manettes là. De retour au contrôle? Ouais, bien comme il faut. Bien comme il faut. Ouais, d'ailleurs, ouais. J'en place une aussi à Sylvain qui est à Fresnes, donc à Fleury, pardon, à Fleury. Toutes les maisons d'arrêt, tous ceux qui sont enfermés, qui nous écoutent. De Paris à Marseille, passer par Lyon, partout. Je sais que les dédicaces, ça fait plaisir, notamment dans la nocturne. Donc Sylvain, on pense à toi, force, et à tous les autres aussi. Six, qu'est-ce qui se passe pour toi en deux? Allez, j'ai envie de dire en 2015 ou d'ici la fin de l'année. Ouais, on va dire 2015. 2015. Ouais, je suis en train de terminer un gros album qui va sortir si tout se passe bien d'ici le mois de mars. Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis voilà. Et donc on dit Six maintenant, hein. Ouais, c'est Six. Mais voilà, c'est pour ceux qui savent pas, c'est Sico MC. Sico MC, ouais, bien et sûr. Et puis, comment dire. Voilà, Six, c'est le diminutif, c'est un petit surnom, mais voilà, c'est autre chose. Et on peut te suivre aussi, pareil, sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles. Ouais, les réseaux sociaux, Six M16, sur Facebook, les pages, c'est Sico MC, toujours. Et puis voilà. Et ben on ira cliquer, on ira suivre, et en attendant, donc, sur Rap Ghetto 2 avec Wormsty. C'est ce morceau qu'on écoutait qui s'appelle Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. A86, c'est une petite erreur de frappe. Pardon, A86. Ouais, A86. Bah, c'est une longue erreur de frappe. Hein, ouais, non, mais A86, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Il manque juste A86. Ah, il manque A86, ok. Voilà, ça veut dire que le clip qu'on retrouvera prochainement. Il faudra aller cliquer A86. Voilà, A86, Sico MC, vous retrouverez de toute manière toutes les infos sur la chaîne Rap Ghetto 2. Gros clip qui se prépare aussi de ce morceau-là. Eh bah, terrible. On va suivre ça. Voilà. On repart sur quoi Allez, on va changer un peu d'univers, ramener un peu un accent du sud avec un accent byzantin qui nous vient de Besançon, tout ça. Le morceau 7 du CD1, ouais. H, Caporal Poupa, Maxo, Yenich et M16. Ils sont là, ils sont dans le coin. Ouais, il y en a 3 là sur tout ça qui sont là. Eh bah, qui viennent au micro, qui viennent nous parler, voilà. Nous dire ce qu'ils font un petit peu. Voilà. Bienvenue, messieurs. Merci. Ben là, ouais. Voilà. Donc, il y a qui au micro? Moi, Yenich. Yenich. Salut Fred. Ça va? Ça va très bien, toi. Donc un petit mot sur le rap de Bezac, j'ai envie de dire. Ben voilà, moi je suis un artiste byzantin, donc de Besançon. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je rappe. Voilà, je fais partie du groupe Frères d'Armes, pour ceux qui connaissent. Et là en ce moment je viens de sortir mon album solo qui s'appelle Rétro Cassé, qui est disponible sur iTunes, etc. Et voilà. Continue le tour de table, il y a qui avec toi? M16. Salam, M16 Antique. Salut M16. Si, bien la famille. Eh bah écoute, bienvenue dans cette nocturne Rap Ghetto 2. Si, un petit mot sur toi et un petit mot si on peut te retrouver, s'il y a des sorties, des choses à annoncer. Bah en fait, c'est M16, je suis rappeur à Jawa. Voilà, je rappe en rebeu et tout. Merci pour l'invitation, Polo, merci pour normal, gros big up. Ouais, ça va être chaud. Si, la famille. Eh ben merci à toi, on continue le tour de table. Bonsoir, moi c'est H. H qui est présent aussi sur le morceau qu'on va écouter. C'est ça. Voilà, c'est un rappeur du Gard avec qui je suis monté, ouais. Voilà. Et donc, toi, on peut te suivre où? Et il y a des sorties qui arrivent pour toi aussi? Moi, j'ai une page Facebook H officiel où on peut me suivre et éventuellement je prépare un album là qui devrait sortir, on va dire, courant 2015. Éventuellement, si éventuellement, il a dit. Éventuellement. Il y a des priorités dans la vie. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, on va écouter ce morceau avec vous ensemble. Voilà, un morceau international, je tiens à dire, tu as vu, parce que vous allez découvrir. Nocturne 100% rap français, Rap Ghetto 2, Rap Ghetto 2 dans les bacs. J'aimerais savoir combien tu mesures, écarte-toi. Quand je rappe 16, y'a pas que la maïf qui m'assure. La croix du 9 en guise de massue. Là, ça vient tout droit du 9-3. Là, c'est pour tous ceux qui n'ont pas le sud et qui viennent au fond du cul, c'est cassa. Pour l'heure, ça va rester dans le caleçon. Mais un index, ça devient cassa. Que tu casses aux deux frérots de Besançon. Pour ma part, moi, je représente le gars. Tu voulais de la frappe, t'as ça. Envoie la maïf, je te jure que t'as ça. Envoie la moi, je te jure que t'as ça. L'homme arrêtera les chassas. L'homme bienvenue là où ça slalom. Où on dit ça, la mémoire chalom. C'est l'effet d'une bombe. Qui débarque dans le rap, on a creusé cette attente d'une bombe. Quand héros dans le rap, on va créer les catons. On débarque, on débarque, on les braque, on les tac, on les tac, tac, tac, tac. On fait voler les tables, on est pas des notables, on est brave, brave, man. On va t'empêcher d'avancer, d'avancer, d'avancer. Sauter en l'air sur ce son si tu sais pas danser. On a sorti les micros usines, donc les flots sont très caporal Poupa. When I see you trying get my soul. Hey, caporal Poupa, ma chanson, hey. La famille, c'est Zintique. Ouais, Rap Ghetto 2. Maxo TQS. Mais dis-moi qui peut parler lorsque l'on décide de te démarrer. Je n'ai pas besoin de me préparer car tu sais que mes bails sont toujours passés. Ok. La moindre erreur, c'est le quart plat. Car ta vie est un combat sans cesse. Oscar, pas mon arca. Je le taffe au quotidien. Dirty rap, raga et rétorca. Qui veut l'entendre, s'en rêve comme Chaka. Écoutez-moi ce son international qui va propulser H de façon salée. Toute sincérité, tu peux le voir dans mes yeux. Partant toute sincérité, donc si tu portes un masque, enlève-le. Un par un des deux, pas là par hasard, mais pour changer le jeu, pour forger le rap, chanter mieux. La musique entre les lieux. Ne perds pas ton temps, je suis inarrêtable. Arrêtable. Parce que je perds mon temps et qui vivra verra. Ça pourrait être une femme d'état. Combat sans les gants. Mais ça ne sera qu'une belle leçon. Qu'accrocher dans les besoin sur elle. When I see you trying to get my soul. Yeah, Kaya Frost, Paulito, Rap Ghetto deux. Dans les bacs. Marie J Music, Besançon R. Wesh le taulier, c'est comment? You will it. Boss. Tardel fili li le game fait peur. Oui, t'as beau père. On vous trace à des sopés. A jouer à flipper, très cher à l'élancé. Des aides, des aides, c'est all les guns. Pirates, les rosés. Faire couper. Les flots hydrauliques. Taillés sans papier. Le bulldozer en panoramique. Ça rap pour AB. 16 semaines, j'ai essayé. Ça a dit qu'il y a une excellente demande d'année. Très les haïens. Stretus. Aha. M16. K-O-R-Z. Ouais, ouais, ouais, M-A-M-S. H. Red One Music. Genish. La trap ghetto. Polo. Ça dit quoi? Ouais. Rap français. 100% explicite lyrics. Regarde, c'est Saga. Saga. Rap ghetto volume 2. Mister C, Curse Mon, Stereo Black Star, James is mad. Pour fort ton game, it's bad. Alors critique sur l'artistique quand t'écoutes ma zig. Okay. Fuck le buzz tant que tu te goûtes la chip. Okay. On blanche le beat donc tu te doutes sa chic. C'est le remix, toutes les foules s'achètent. Les 20 étages de ta tour HLM sont pas l'image de ton talent. Non. J'ai fait carrière, t'as fait du rap, c'est un challenge. C'est quoi les bails, ta rue c'est la mienne. J'te tartine la gueule jusqu'à j'en perds mes phalanges. J'suis sérieux, tu rapes mal, on s'en bat les couilles ton CV. T'as fait de moi et tu t'en vends, tu sais. On s'en bat les couilles ton CD. Jamais pris la main dans le sac, est-ce pour autant que j'en sers du son de PD. Les gros, ils voient, c'est pas en cabine. Le volant d'un gofas qui remonte du rock mic dans le coffre, c'est pas du tagine. J'fais du peur, reste égal à moi-même. Mister C sort le scud, alors j'bouge pour ma main. Ce qui va mieux parce que tu bouges toute la semaine. Pour tester d'une grosse journée, faut de la boue sous la semaine. C'est pas comment j'ai dit, biche plein, tu vas signer chez Sony. C'est parce que j'ai les crocs, j'ai le droit de manger le gros. Alors critique sur l'artistique quand t'écoutes ma zing. Fuck le buzz tant tu goûtes la chiffre. Rien à foutre, ça vient du hood, de la street. Seul le talent parle, alors écoute la critique. Alors critique sur l'artistique quand t'écoutes ma zing. Fuck le buzz tant tu goûtes la chiffre. Rien à foutre, ça vient du hood, de la street. Seul le talent parle, alors écoute l'artiste. Toujours pas tienne la réussite à la chienne. Fuck off, on enchaîne. Des instrus, on enseigne à la chaîne. Yeah. J'ai été à bonne enseigne, donc je viens en seigneur sur la scène. Du rap sève, des morceaux chiffres, on en signe. Yeah. Ouais, gars, ta langue bave quand mon talent parle. Parce que t'en as pas, j'arrive tel un poids lourd, t'entends l'impact. Je rappe depuis longtemps, comme je l'entends. Je manie les lettres et latin, perds ton latin. Cherche pas à savoir si je viens d'une tête. J'ai vendu de la cesse, si je baisse des tasses dans ma caisse. Car d'après toi, pour faire du rap, faut vendre la queue dron. Tu glorifies la rue comme si ton c'était le coudron. Donc tu rappes la rue juste pour être à la mode. Mais sache qu'un MC de la campagne pourrait te mettre à l'amende. C'est de l'artistique, c'est de l'art de street. Mais confond pas les deux parce que c'est le talent qui speed. Alors critique sur l'artistique quand t'écoutes ma zig. Fuck le buzz tant tu goûtes la chiffre. Yeah. Rien à foutre, ça vient du hood. Mani, tout Mani, Fleury, c'est ça qui est. L'artistique quand t'écoutes ma zig. Si vous bacard aussi. Fuck le buzz tant tu goûtes la chiffre. Pour ceux qui sont enfermés. Ça vient du hood, la street. C'est ça qui est. Le talent parle, alors écoute l'artiste. L'étoile noire au clair de la lune, nette sans bavure, sans complexe. Je représente la rue quand je mets le sens dans la flûte. Comme le maître de la classe, j'annonce la fin de la récré. Underground comme les 14 lignes de la RATP. Ils ont eu de la chatte, tout est parti en lieu couche devant du cauchemar dans cette histoire à dormir debout. Le genre d'MC qu'ils redoutent à chaque 16 sort le rap du cimetière, ils repartent en civière predouille. Le talent propose, la talent dispose. Ils veulent tous être de la fête, mais à l'entrée c'est moi le physio. La concurrence ne m'aura pas de sitôt. Dans le studio sans blouse blanche, te ramène ma science et ma philo. Ton CD pue, lâche les thunes, force l'entrée. Je pense qu'acheter des vues, en effet c'est nul, c'est comme se branler. Pas de paix pour un sacrifice de pute. J'achève les victimes, ne mérite pas une rime de plus. Alors, l'artistique quand t'écoutes ma Juju, oh, Studio Eleven, tu goûtes la chiffre. Polo, ça vient du Red One Music. Seul le talent parle, alors c'est écoute l'artiste. Alors critique sur l'artistique quand t'écoutes ma City. Fuck le buzz tant tu goûtes la chiffre. Valet, Fablière, Bordière, Port. Seul le talent parle, alors écoute l'artiste. C'est sa guerre. C'est la nocturne 100% rap français avec ce morceau à l'instant où on retrouvait Mister C, Smoker et Stereo Black Star. Le talent parle. le morceau qui s'appelle Le Talent Parle, extrait de Rap Ghetto 2. Yes, sir. Ça va bien? C'est calme. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il se passe quoi, Mister C? Ben là, il y a un EP qui s'appelle Rapocalypse. Voilà. Qui est dispo en digital sur iTunes, Deezer, Amazon, tout ça, etc. Et on peut suivre Mister C où alors? Voilà, Mister C, ben sur Facebook, Mister C officiel. Et Twitter, @MrCizo. Et bon, on suivra ça aussi. Il est présent. Il y a, on disait, près d'une centaine d'artistes sur ce projet. 40 morceaux en tout. Des combinaisons. Et on va repartir avant de passer un gros live d'ici quelques minutes. On repart sur une combinaison avec El Matador, Angelo Rital. C'est bien ça? C'est ça. Donc, Angelo Rital qui est venu tout droit du Var. Il est où, Angelo? Il est là. Voilà, avec son poteau CLK. CLK qui est présent aussi, hein, sur le morceau. Qui est présent aussi, exactement. Bon, El Matador n'est pas monté, mais ils seront là pour représenter le Sud avec leur petit accent qui va bien. Ça va bien, messieurs? Et leur couleur de peau toute bronzée. En forme? En forme, ça va. Oh, putain, ah, c'est un peu fort. Faut baisser devant toi, normalement, tu peux baisser. Voilà. Normalement, ça devrait aller mieux. Ouais. Non, mais c'est normal, j'arrive, je commence à faire des conneries. C'est l'heure pour ça. Bon, un petit mot sur le rap du Sud, sur vous. Sur nous, c'est le cas, vas-y, je t'en prie. Franchement, le rap du Sud. Et on essaie de faire les bails tranquille, pépère. Mais pour l'instant, c'est plus pour les frères qui sont enfermés, t'as vu. Alors, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on est là, CLK et moi. On fait des trucs dans le 83 avec notre équipe. Et je crois qu'on va commencer par. Moi, franchement, je vais placer quelques dédicaces parce qu'on n'est pas assez représenté chez nous, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, vas-y, vas-y. Donc, je vais représenter mes gars, là, toute l'équipe, Manic, Khalil 9.0, FMH, ouais, ouais. Kérosène, Kavon, DJ Venom. Ma famille et tous les gens que j'aime. Et après, voilà. Faut dédicacer. Moi, je dédicace à Fafa, enfermé à la Farled. Memel, la ouais. Même, enfermé à la Farled. Kamel, la même. Hamoud, la même. On se retrouve seuls, les frères. Il faut sortir maintenant. Voilà. À bientôt, Inch'Allah, les frères. Et pour vous suivre, vous, les gars, faut aller où alors? Alors, CLK, AMG et Angelo Rital, tout simplement. Sur YouTube, Facebook, on a tout, l'Instagram, on est partout, hein, en vérité. Donc, ouais, voilà, sur Facebook, faut taper CLK, AMG, voilà. Talent Sauvage 2. Voilà. C'est le nom du projet en ce moment, en fait. C'est mon projet à moi, parce que nous, en fait, on n'est pas ensemble. Hein. Voilà, on est des potos. On est des potos. Des potos, ouais. Voilà. Et ben, on va écouter votre morceau maintenant. Allez, c'est parti. Allez, c'est sur Rap Ghetto 2. El Matador, Angelo Rital, la Nasme, CLK, yeah. Rap Ghetto Volume 2, FMH à la prod. Ok, j'écris mes textes avec des larmes de sang. Et je cherche la force, je peux pas tout oublier. Afin que ma douleur ne cesse, je décris ce que je ressens. Je traverse une averse, j'ai vu à qui me fier. Le monde dans lequel on vit nous blesse, ça nous prend des devants. Ma fierté, une richesse, soit les heures défiler. J'esquive les coups et puis j'encaisse, si c'est une perte de temps. Je corrigerai mes faiblesses, j'espère que t'as pigé, j'ai. Il pleut des larmes de sang. Punchline dans le chargeur. Fiston, mon âme, c'est le son. À l'heure où les balles nous plongent dans le malheur. Éveil et prise de conscience. Pour tous ces moutons égarés qui ont perdu la raison, perdu leur sens. Et nous prennent encore pour des brebis galeuses. C'est la crise économique malsaine et la chaleur. On a déjà pris cher, plus de principes ni de valeurs. Gouvernés par des hyènes, vu d'en haut de l'échelle. Ils nous prennent pour des chèvres, atteignent de la fièvre rafteuse. Pour chaque jour les poteaux, comme la dernière. À l'abri sans père, si demain tout s'arrête, qui me garantit un after? Pas le patron, ni le maire, ni ton père, ni ta soeur. Beaucoup trop sur terre, et comprenez mes larmes de sang pour mes frères en train de purger, ouais j'ai des larmes de sang. Quand je voyais ma partir travailler, des larmes de sang. Dans ma cellule ils veulent me fumer, des tas de sang. Je gobe pas leur pilule, ils veulent me shooter. J'ai le flow qui manie la rue, ça négro check les bails, pas de Miami. C'est la bicrame, mets ta bête dans mon ami, c'est un filcrame. Mange ton dos, plus j'ai un péga. Ange coupé à la décamée, la blanche coupée dans la vie ta vie. À blanche couplée, l'ennemi ta clé. L'argent coupé, ennemi ta. Avec des larmes de sang. Et je cherche la force. Je peux pas tout oublier. Afin que ma douleur ne cesse. Je décris ce que je ressens. Je traverse une averse. J'ai vu à qui me fier. Le monde dans lequel on vit nous blesse. Ça nous prend des devants. Ma fierté, une richesse. Soit les heures défiler. J'esquive les coups et puis j'encaisse. Si c'est une perte de temps. Je corrige mes faiblesses. Rasper, ghetto 2. Frère, autour de moi, je vois trop de larmes de sang. Beaucoup trop d'armes, beaucoup trop d'absents. La rage dans le sang, car le monde est menaçant. Peur d'embarrassant, les rives, nos rêves en t'absent. Je faisais mes bails, t'étais pas là. Ça marchait pas, t'étais pas là. Maintenant tu reviens et te balades en demandant que se passe-t-il par là. Dans mon coin je fais l'effort, je patiente, attends dans mon tour. Les absents ont toujours tort, non, non. Yo pour toujours, et si demain je dois quitter mon corps, dis à ma mère, oui tout mon amour. À force d'avoir pris sur moi, j'en ai le cœur écrasé par tous. Œil doré, c'est tout un camon. La vie est une bouffe à talons. Pour te faire prendre du galon, tu deviens de la chair à canon. C'est la hessari, c'est la crise. Ici pas l'hypocrisie, viens te faire la bise. Pour réussir, certains baptisent. Ils ont pris la mauvaise pilule dans la matrix. Trop de larmes se mettent à couler, cagouler. Rien à perdre, à prouver, t'es saoulé. Jusqu'à te faire soulever, écrouer. Voyant tout s'écrouler, on voit l'inversion des valeurs où l'enfer est paradis. Le parasite est maladie, les chefs d'état nous baratinent. La résine de cannabis, il pleut des balles sans parapluie. Talent gâché par la street, à la spip, je vois le mal à Sarasuit. J'écris mes textes avec des larmes de sang. Et je cherche la force, je peux pas tout oublier. Afin que ma douleur ne cesse. Rap Ghetto 2, je ressens. Allez vous procurer le projet. FMH à la prod, pour Maillot Miss. C'est le cas. 1-3-1-3. Ma fierté est une richesse. Je vois les heures défiler. J'esquive les coups et puis j'encaisse. C'est une perte de temps. Planète rap 100% Explicit Lyrics. Ça qui va. Yeah, Daouf, Nausée, Rap Ghetto 2, c'est pour le Havre. Sexy. Ghetto rap, c'est ghetto, ghetto rap, c'est Daouf, Nausée, c'est ghetto, ghetto rap, c'est ghetto, ghetto rap, c'est ghetto, ghetto rap, c'est DJ Slim, 76K, ghetto, ghetto rap. On guette le rap, pète l'aura, trop fort à l'oral. Gère ça, pète au moral, j'ai visé l'artère fémorale. Fais la fête le jour que tu mourras, ça tire, ça tire, ça court, ça court. Crie les balles à la Tupac, chaque les poucaves, ça coupe, le rap, ça coupe. Un majeur, c'est cool, une pute, c'est loot. J'ai rarement vu des pucelles qui s'usent pas, une amitié qui s'use pas, un féfé qui pousse pas, du talent qui buzz pas. Y'a la vie de star et la vie de star, couche tard, j'ai des frites d'un pétard. Pour fumer le game, une feuille à pétard. J'fais des ciseaux sur le beat de guetta. Hardcore sur ta face, j'éclate ma guitare. J't'amène la lumière, même au mitard. Une bonne chicha, une bonne chica. C'est comme Tarzan sans sa chita. Y'a plus de chichi, ça se fait pétard. Pour un sandwich, chicken chica. J'prends du bif, t'inquiète, j'ai du pif pour s'en tirer les faux plans. Aïe, j'prends du kiff, j'ai les crocs quand j'attaque le game à pleines dents. Aïe, productif comme la weed à tata, j'ai plein de blancs. Aïe, j'vais rentrer dans la bande de braco comme Kaplan. Yeah, on vient chanter ça dans la foulée. Pas venu pour se laisser couler. Lève les bras, ça le cœur qui bat. Trace ta route si tu rages, tu bats. On vient chanter qu'à rouler. Pourquoi le ghetto se défoule. C'est pour les frérots qu'on se dépouille. Ghetto rap, c'est notre débrouille. On vient chanter ça dans la foulée. Pas venu pour se laisser couler. Lève les bras, ça le cœur qui bat. Trace ta route si tu rages, tu bats. On vient chanter qu'à rouler. Nausée, Daouf, le Havre, le chat qui fait une club. Tu cherches des miracles, pas la co-virage. Tous des pirates, on voit tous ceux qui rachent rap. Tous ceux qui grattent en crise d'identité. La mélancolie te frappe en plein centre. Vivement qu'on se rassemble, ambiance cassante. Il est temps que tu la sentes. Marre de tes salles d'attente. Quand la plupart de tes grosses places sont vacantes. Faut déchirer le beat, ambiance électrique. Ouvre bien ta rétine, c'est la scène maritime. C'est la haine qu'on débite dans le hit. Quand le clic-clic, boum, fait kiffer l'équipe. La douleur divise et le manque est de mise autour d'eux. Ils ne voient que le vide et le vice. C'est pour ceux qui luttent chaque jour. Quand la vie défile à chaque carrefour, ça traverse les vitres et souffre. Déguise ta technique de sortie pour tous les faux qui te réservent encore pire. Renforce ta muraille et préserve ton empire. Tout cool et respecte tout le monde dans ce cas. Pas besoin d'avoir les pecs à King Kong. Ce qu'on taquine tombe, cadence tranquille, son tarte à la ping pong. Ça dévie. Le Havre, 7-6 gros. Est-ce qu'on a le soutien? Tous les gars, Habs. Moi, si le faut, j'irai regarder derrière toi, crois-moi. Mais est-ce qu'on a le soutien qu'on a? J'ai kické mille fois pour que tu puisses entendre ça, crois-moi. Yeah. On vient chanter ça dans la foulée. Pas venu pour se laisser rouler. Ça le cœur qui bat, trace ta route, tu rages. On a Véro, Ketchup, Freeman. Bon, big up à tous les artistes sur la compile. Polo, la belle Red One Music. L.I.M., Siku MC. Ça le cœur qui bat, trace ta route, tu rages. On a vu chanter cagoulé pour voir le ghetto se débouler. Grosse dépouille, ghetto rap, c'est notre dépouille. Commence très tôt la revanche des bêtes fauves. Porte un calypse, tu veux la fisseau. De la manche vers l'écho. T'en mets plein l'écho. La marche du ghetto. La tête dans les dos. Cette Iscara, mon logo. Le bédo, ma loco négro. C'est pire que la manne au nègre à négro. J'ai l'écro, m'écras le micro. Dans le flow, y'a trop de nitro. Explosif, on baisse les Tommy. Comme Rocky, j'te boxe autocli. Désolé si t'en es trop mis. Joue pas la masse, on te soulève. Toi et tes Loki. Un kick, ça pleure au Toki Walkie. Ça flèche le cul comme Roxy Rookie. Joue la groupie, pour du Challenger dans la tête. La coupe, ça découpe, ça dégoupille. Eh ouais, ça dégoûte, on nous écoute, ça te met des doutes, on lâche les douilles. Ratata, ghetto rap, ça dépouille. Une rafale depuis le temps que ça déroule. C'est sur la scène que le show se déroule. J'irai chercher la tente dans la foule. Est-ce qu'on a le soutien qu'on doit? Moi, si le pot, j'irai regarder derrière toi, crois-moi. Mais est-ce qu'on a le soutien qu'on doit? J'ai kické mille fois pour que tu puisses entendre ça. N'osez, d'un ouf. Les uns dans la foule et pas venu pour se laisser rouler. Ghetto rap, c'est dans les bas, gros. Faut aller chercher ça. C'est la nocturne 100% rap français, rap ghetto 2 à découvrir avec Daouf et Nosé à l'instant qui sont là aussi dans le studio. Yop. Ça va bien messieurs? Ça va et toi frère? Eh bah, écoute, en pleine forme, comment se porte le Havre, le rap au Havre? Ça va très bien, tu sais très bien. On est là. Ça bosse très dur. Ça bosse dur, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs pour vous dans les mois qui viennent ou là, ce qui vient de sortir pour vous? Moi là, il y a toujours l'album disponible, bienvenue dans mon Game Boy, toujours dans les bacs. Et là, je prépare un nouvel album qui va s'appeler Inhumain. Chaud, très lourd. Inch'Allah pour 2015. Et j'espère avoir le soutien de tout le monde et surtout le tien, Fred. Eh bah écoute, on va suivre ça attentivement. Inch'Allah. Et Nosé aussi. Moi, je prépare mon petit album perso pour 2015 aussi. Alors, pour l'instant, j'ai bien avancé dessus. J'ai eu les feats que je voulais en plus. Donc, ça va être un vrai kiff personnel en plus pour moi. Donc là en 2015, normalement on s'attend à des bonnes choses de notre côté. Et alors pour vous suivre les gars, Daouf, Nosé. Alors moi toujours pareil, Daouf officiel, Daouf deuxième compte et sur Twitter pareil, Daouf officiel et puis YouTube. Là même hein, ceux qui cherchent comme Dizzy Polo, ceux qui cherchent et vraiment ils trouvent. Direct, il n'y a pas de galère. Nosé, 7-6 Cara, on est là. Voilà, il y a des clips, tout ça. Donc voilà, quoi, faut suivre, faut soutenir. Il y a des sons, des vidéos, il y a de quoi ravitailler les oreilles. Voilà, exactement. Et ben, merci à vous d'être là, il y aura du live aussi avec vous dans un instant. Merci. Polo. Rap Ghetto 2 est dans les bacs, on peut le trouver double CD, 40 morceaux en tout. Yes. Avant de passer au live, qu'est-ce qu'on met Alors là, Boy et X-Gang. X-Gang de Monstre Marin qui a pas pu venir. Ouais. Boy qui est là et qui va faire le travail tout seul. On est là au calme. Ça va bien Boy? Ça va Fred et toi? Eh bah écoute, petite présentation. Si, moi c'est Boy, rappeur de Garges les Gonesse, Muet City Gang Bang. Donc on vient représenter pour le projet Apollo, Rap Ghetto Volume 2. Et voilà, moi je suis un rappeur du 95. Je fais du rap, du chant en même temps, je mélange les deux. Un peu de donc mélodie, complet. Ça fait pas de mal. Pas mal. T'as tout compris. Et on peut te suivre toi, pareil aussi, il y a des sorties qui arrivent. Voilà, moi début 2015, il y a la mixtape Boy in the Hood, comme le film. Et tu peux me suivre sur Facebook, ActuBoy, collé, Barbetta, B-A-R-B-E-2-T-A. Je vous invite tous à venir me suivre. ActuBoy, Barbetta. C'est ça, t'as tout compris, frère. On va aller cliquer là, le morceau qu'on écoute maintenant. Ok. Qui s'appelle On vient mailler. Voilà, avec X-Gangs. T'es déjà mangé un requiri dans tes dents. Je me bute contre moi-même dans le rap game. Ma tech est tellement loin que je vois plus d'adversaires. Quand tu me pisses, regard bel et que sois pas méchant. Son cicatrice, pas besoin de carte vitale. Hey, petit, rien ne sert de dealer. Trop tard, il est. Compte pas sur les keufs pour te laisser filer. Photo studio, MC, un G-Boy. On est tous là. Une fois au sommet, la concurrence pourra crier Alléluia. Venez, venez, Vici. Lady, les beaux. Venez par ici. On vise la folie. Pas le mili. Et vous, day, et vous, night. C'est fini. Viens, on leur montre à tous qui on est. Partir de tout en bas et pouvoir toucher le sommet. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Le déclic qui réveille en toi l'artiste qui sommeille. Oh, I. Yeah! Jab, je t'ai vu, poteau. Je toque les gens, on vient seulement mailler. Sir Samuel aussi. Avancer avec l'idée d'aller plus. déjà mangé un rekiri dans tes dents. Le X. Je me pète contre moi-même dans le rap game. Monstre marin. Ma tech est tellement loin que je vois plus d'adversaires. Quand tu me fixes sur regard, bel et que sois pas méchant. Okay. Yeah. Viens, on leur montre un peu ce qui en est. Partir de tout en bas et pouvoir toucher le sommet. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Le déclic qui réveille en toi l'artiste qui sommeille. Oh, ah. Avancer avec l'idée d'aller plus haut. Bang bang, muette poteau. Le rap, 100%. Explicite lyrics. A2S. JP. Tu veux pas que je présente un Arobas Kozinyama 9-2 représentant. Yahweh. C'est ça la base. 9-2 Haute-Seine, c'est la base. Jamais dans la lucarne si tu me fais la passe. Trop propre pour être un chien de la casse. Tu m'envoies des piques négros, je te baise avec la. Je suis un vrai Z, je baisserai jamais mon putain. Langue de pute hypocrite, faut que j'en putain. C'est un fou la casseur et chanson pour du loup. Mon casier est tellement chargé qu'ils veulent en faire un bouquin. Il est SY sur la SO, NO. Jamais me servi qu'en SO, NO. J'ai pas nagé, je marche dans ton rat. Allô, je te gère une calage pour 2000. Mal, je suis un enfant seul comme Osmo. Bouche, la vérité tu sors de ma bouche. Jim Yamasu. T'es comme les mains, nous jouons, je de Kinshasa, MZ, te couche. Niama, ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Chicha, Bulin, Roma, Soko, Peufra, Poto, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Pleurette, Tispé, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Niama, JPZR, ça c'est mon blasme dans la ferme, ça c'est ma base. Tu vas l'hiver, je te base, un peu de picard et je base. 92, tout sur nos traces. Ma signature, tac à la gorge. 5 du max avec tes potes, j'avance sur ce score. Allez, j'y vais cause Yahweh. La rage dans nous, si tu savais. Mauvais en soi, Yama, moto, y'a pas photo. 9 de Haute-Seine, c'est la base. Moi je m'engraine et toi tu t'écrases. 9 de Haute-Seine, c'est la base. Moi je m'engraine et toi tu t'écrases. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Chicha, Bulin, Roma, Soko, Peufra, Poto, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Peurette, Tispé, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Chicha, Bulin, Roma, Soko, Peufra, Poto, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Peurette, Tispé, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Ratata, tu connaissais la street. 92 floqué, Real Madrid. On est OP si t'es chaud dans tes feats. Gazi, Dja, tu le sens dans mes drips. A deux espouses, Nanterre, 9-2, cité rose. On fait la diff, on fait la diff, c'est pas haut comme dans rose. La nocturne avec JP à l'instant, laisse du neuf. Ça va, JP? Je sais pas si tu m'entends. Ouais, là, on t'entend. Toujours là. On t'entend bien. T'es, je vais juste faire un big up à mon pote Paolito Bandito. Ouais, oui, tu es venu pour faire un petit big up. Voilà, parce que normalement, je suis pas là. Excusez-moi, les gars. Hein, big up à tous ceux. Il est venu, il a parasité l'histoire, mais c'est pas grave. On voilà. lui fait plaise. T'as ça va partir en freestyle. Ouais, on va voilà. pas lui sauter dessus. Hein. Voilà, je veux juste on te lui dire fait plaise. Y aux gens qui écoutent ce soir. Paolito, il sort son projet rap ghetto. Il a pas invité l'encyclopédie du rap français. Moi, de pas que. Bah, sur le 3, peut-être. Peut-être. Ouais, sur le 3 avec 3 CD alors. Mais bon, il y a aussi bon, tu vois, c'est parce que t'as vu, Fred, t'avais pas trop de temps pour m'inviter à ta nocturne. Là, c'est donc un peu chargé, novembre-décembre. Je te cache pas que c'est. Voilà. Donc, j'annonce juste, c'est pour mon projet Go Fast Team, tu vois, où j'ai fait rapper un peu cynique. J'ai fait les vieux, ils vont rapper avec du vocodeur, avec WAM, c'est sûr, nigga. JPZR. Okay. Ça sort là, en fin décembre. Merci beaucoup, Tassimer, hein. T'as vu, t'inquiète, y'a pas de soucis, JP. On soutient, voilà. Frère. Oubliez pas, Go Fast Team, big up à A2S, à Diz, à Sker, à ma copine Fatia qui est venue dans le coin. Mon sauce Ben, Go Fast Team dans les bacs bientôt, vous inquiétez pas, niggas. Bah, ça tartine dans tout Paname. Merci à toi JP d'être passé, on est prêt pour la session live maintenant ou pas? Allez, tout le monde est chaud pour le live là, Rap Ghetto 2. Allez, Rap Allez, Ghetto 2. Allez les artistes, on c'est se parti. Motive. Là, je balance les instrus. Je pense que là ça va être. Ailleurs, sexy show. Regarde, écoute, hey. Aime tout ce hiss, tout ce teur, tout ceci. Trop chaud, tranchant les poèmes si on pleure quand je scie. Je défouraille, défouraille, je mets le fire et j'effraye. Comme on dit si bien, les chroniques je déferraille. Je pars vite, et qu'elle les poèmes si sur parvis. Ils cannent par 20, et m'tis espèces de gros bâtards. Va, j'interviens, violent comme les infos de Turvin. Mon 16 sur cette terre va déclencher des interviews. Je rame ces vers sanglants, sans faire semblant. J'opère sans blague, impossible que tu t'en tires sans bleu. Car j'ai des 12 et des 16, car tous le savent, les coups des 16 en prenant leur dose de savonnette verbale. Le but c'est faire mal, ça part de taigré. On fait kiffer tout le monde, les humains de toutes les tailles crient. J'rappe, crash, les fausses clashes, il faut se cacher. Mister C, c'est sa gaffe. Mani, le H sur ta prod, un gage de qualité. Comme un tambour sur une plaquette pour que le client se fasse à l'idée. Fatalité, mes reflets faut pas paniquer. J'te braque, te demande le code, ta carte avec un zeste de vanité. Donc va niquer ton putain de soi, ton rap game, tes prodeurs qui trappent musique et tes ambiances à la one again. Laissez-moi dans le passé. Si vous vous croyez dans le futur, laissez-moi fracasser quelques instruments même sans structure. Le hip-hop et ses fondations restent pour moi des points de suture. Représente plus qu'une nation, mets des claques dans les figures. Laissez-moi seul dans mon délire, laissez-moi seul démonter les tu PD qui croient tenir. Laissez-moi seul et démanteler, je suis dans le mouvement depuis l'époque des dents de lait. Je cautionne pas si tes gosses écoutent, donc si cube grand de lait. Yeah. C'est fait la guérilla. Qui pompera périr un mec s'opposé à nous qui ose. Enculé, on sort tout droit d'interdit vos jeans. Mature de crâne, DMC approuvé par on dit qu'on dit que je rappe sale salope. Prends ta pilule et ne fais pas chier. C'est sur l'autoroute du crime que mes gars ont dû se faire flasher. Du haut de ma touche, les poids faire les tout de gangster fâchés. Du Wu-Tang, ma clique connaît le portrait craché. À tête de flow trash, ce mec rappelle à l'ordre. Mémorable comme la défaite des carrés à faire la porte. À sauce de mal, la voix du peuple, la voix du ghetto. Lui pas touché par la bandicule. Dans Will, je marche en forme de cassos, totalement dérangé. C'est la mutinerie dans les blocs du pénitencier. Touché par la frénésie dans les îles des chats, je vais plonger. Combien y ont dû laisser des refs par amour du danger. Rap ghetto 2. Aïe, à sauce de mal, frappe. Tu veux de la frappe, viens par ici. Négro, ouais. Tu veux de la frappe, viens par ici. Aïe, ouh. 16. You're now listening to A-Rod Music. Y'a pas de prod, on va changer les prods. Parce que tout nous, elle nous attaque les poissons. Et je connais nous, elle rêve les accents. Et mes herches, nous pétent à obéir d'elle façon. Un tic prod, mettons en T-Skyrock, Balak. On le prêt, mais t'es. Hey, you les damn 16. Rap ghetto 2. Hey. Ouh. J'rappe toujours sur une roue, j'fais de la bécane. Rap sécurisé sur bacon. Wesh, pique pero, interprot, M16, les lâches, guerriero. Wesh, pique pero, get my cash, min gun, gamma slash. Interprot, a terre, b'aidon, tout ma gamma cash. Wesh, trio. Hey, Yulet. Mais tu nous aimes, t'as des façons, on a vraiment chacun le rêve, les accents, quel harpe, t'as la pitou chez le plafond, Alger, Marseille, I am avant, j'ai tout le game congelé, même si j'ai trop les doux, les poissons, sont collés, elles seront doux, elles cassent, Yulé, rap algérien, hey, ah, Polo, Paulito, M16. Wesh, Critch, c'est comment? Ouais gros, à sauce de mal fra. Jacques Cartier. Gros, c'est un live. 9-4. Y'a des voix dessus. Zou, zou, zou. Fait divers dans tous les quartiers, c'est. Allô. Le seul motif, merci, c'est la monnaie. Monnaie, oui. Histoire de bif, histoire de respect. De blanchir de weed, fais pas le dessert, au vrai tu connais. Rolling gamos, pute siliconé. Tous ces mots clés font penser que t'as du blé, mec. J'accuse. Venu se moquer mec, écoute nos couplets. C'est la même ici. Tous ces rappeurs te font croire ce qui leur plaît. Ce ne sont pas des MC. Ils ont crevé leur rap, c'est tout ce qu'ils ont tué. Mais quel homicide. MC t'as trop de flow pour dire des trucs sans. C'est ok tu kick, il y a rien de nouveau. Vos escales à Miami, à Rio. Et vos discours, y'en a assez fort que le game, je n'ai pas de rivaux. Ils s'exhibent, ils n'ont pas de rideau. Ils veulent une zik qui pèse les idiots. Je n'entends que de la merde, on est à la radio. Swagman a atteint leur niveau. Y'en a assez, trop de mythos. seul, les groupies, les minots. Trouve que ton album est passé. Hey bro, je me sens pas à ma place. Frérot, je ne ferai pas de promo. Je porte le game, je nique sa race. Je viens vulgaire et j'en dis des gros mots. Je suis qu'à 20% poteau, c'est facile. Niveau culture, on est trop fragile. Niveau discours, c'est l'hémorragie. Ils connaissent le game, ils cuisinent ta zik. Ils ont crevé le rap d'une manière agile. Maison de 10, vas-y tapine. Vas-y tapine pour l'usine magique. Tu te voles l'impasse, mais ta conscience te suit. Ta conscience te suit. Tu la fuis, mais elle te suit jusque dans ta suite. À la télé, sur les ondes et sur tous les sites. Retourner sa veste pour rester authentique. Quand ces bandits ont le choix de Vince qui décide. S'inventer du beat, faire la vie d'artiste. Faire mouiller les gamines et les esprits sensibles. Dégradant le hip-hop ainsi que ses principes. Comprends pourquoi j'insiste. Laisse pas surfer ton fils. Car les gamins du pays sont tous pris pour cible. Et c'est divers dans tous les quartiers. C'est le seul motif, mais c'est la monnaie. Monnaie. Histoire de bif, histoire de respect. Y'a du monde ou quoi? Ouais, ouais, on est là ou quoi? On est là, poteau. Gros, le 8-3, SMH, Ange Lorita. Yeah. Dédicace à Fafa, enfermé en fumette. C'est la même ici. Tous ces rappeurs te font croire ce qui leur plaît. Ce ne sont pas des MC. Jacques Cartier, derrière la paix. Aïe, derrière la paix. Ok. Rap Ghetto 2, dans les bacs. Derka, c'est partout la famille. Rap Ghetto volume 2, maximum de bruit pour tous les artistes qui sont là. Rap Ghetto 2. Zou. La sauce de Malfra. 9-4 ma gueule. Zou. Jacques. Fred, y'a pas une autre instru? Ok. 9-4. Jacques Cartier. La sauce de Malfra. Willem, Wunder, Jiton 4, R2, ma gueule, Auto, ok, rap sale depuis 2005, j'ai promis couplé de brûle tout. Moi c'est Jiton, du 9-4, j'allume mon joint et je t'ouvre mon play cool. Attends, on va la refaire, mon pote. Jiton du 9-4, ma gueule, 1, vas-y, zou. Ouais gros, j'rappe sale depuis 2005. Mon premier couplet dans brûle tout. Moi c'est Gitan du 9-4. J'allume mon joint et j'pose mon play coup. J'allume mon joint, pose mon play coup. Titi devant, c'est moi qui paye coup. Fais le fou, je sors le 15 coup. Y'a pas de voyou, j'm'en bats les yeux coup. Y'a pas de voyou, j'm'en bats les yeux coup. Touche au petit, tu touches à ma poche. Le calibre dans la sacoche. Un qui bouge, m'accroche dans sa bouche. J'veux de la frappe, ouais, au prix touche. Remballe tes tarots, au gros tu touches. Remballe tes tarots, au gros tu te la touches. Gros, c'est pas à moi, tu vas cartouche. Zouk, 9-4. Tu veux de la frappe, viens par ici ma gueule. Ok. Yeah. Zou. Yeah. Yeah. Yeah. Route de fin, j'aime sans cliquer. C'est comme PS faire niquer. Par l'oseille on est piqué. On veut tous les arrêts, chaque carré piqué. Depuis que le tour on en a kické. Rare de voir un frère se faire acquitter. Les bouts de face qui finissent clippés. Pour toi se battre et contiper. Rare de voir un chinois typé. Les conditions brouillant alerte le type. A trop jouer les grands tu vas te faire chipper. A trop jouer la ouf tu vas piper. Avant une guerre faut s'équiper. Pas donner son boule comme une prostituée. Dans la rue y'a deux parties. Les faussaires et la vérité. Hey, je ne fais pas dans la dentelle. Imparfait je ne suis pas un modèle. Yeah. De la guerre mon grand les prix Nobel. C'est comme ces filles qui sont cassées la rodelle. Yeah. Œil pour œil, dent pour dent mec. Seul à refaire le monde je passe mon temps. Pense que je te donner sois content. Je rate ça les négros seuls ça se comprend. On sort des ruines et des taudis. Tout disque de bitume à ce qu'on dit. Quand okay. On les frères la condi. Dehors c'est pas, je ne vois que des zombies. Wesh, le soleil se couche. J'ai grandi parmi les braves et les casseurs de bouche. Je rappe ça les oreilles se débouchent. Hein. Les chevilles ne souvent pas passer, c'est louche. Oh yeah, ça papaya. Billy Billy Boat Bond des Faya. Tout le miel, appelle Maya. Partage, fait du genre Aïe Zaya. Zigzag entre les crânes d'MC. La conso, plongé dans les yeux coups. Et ta rapide hoche la tête. Jusqu'au point sans baiser le cou. Je m'arrive dans des nuages purifiques. Elle m'a stingé au point de s'en hériter le fils. Ma vie n'a rien de poétique. Moi qu'avec des frères à tête du bénéfice. Dites-leur que le game est over. De la haisse, j'en connais les odeurs. Pas de piste, pas de piste, pas de lover. Testez mon premier, dis-moi qui ose. Ok. Bye. 9-5 poteau, gars, je les connaisse. Eh, hey, c'est boy, nigga, passe-moi les clés. Une astuce de dingue, je débarque en un éclair. Tu veux fermer la boîte, mais dis-moi, elle est quelle heure? T'es encore à l'ancienne, on veut rentrer dans une nouvelle ère. Dernière paire de Jordan et Nike Air. Venez foutre le feu à mes concerts. Chanter, rapper, polyvalent. En attaque, en défense, c'est moi, je prends tous les ballons. On veut tous, tous les jolies filles, de Paris à Miami, en passant par Philadelphie. Offrir aux parents la vie de rêve, de janvier à décembre sans trêve. Putain, ok, écoute ça, poteau. Ah, yeah, ah, yeah, écoute, boy, 9-5, poteau. Eh, putain, je vois la vie en double. Je crois que je porte des marques Jacob. J'essaye d'éviter les coups doubles, mais t'as ta spé, rien qu'elle m'accoste. Tout dans les courriens, dans la caboche. Tout dans les poches, rien dans la sacoche. Je vais dans le luette, pied vert, tire par terre, la balle, elle ricoche. Au-dessus de moi, y'a un éclair, passez-moi les quelles. Je vais clair avec la bite à ma quelle. J'aime pas les keufs, mais j'aime le poulet. Je suis un gros poisson, tu comment me couler, poteau. Yeah, mets-toi en présence. Ah. Yeah, ok. Yeah, d'un ouf, nausée, le lave. Hey. Rap Ghetto 2, les droits de musique. T'as un ouf. Ok. Yeah. Écoute ça. Yeah. C'est plus des regards qu'on me jette. Raimé des missiles. Par balles sur la soie, j'entends que ça parle de domicile. La mort te braque, te traque jusqu'à ton domicile. Aujourd'hui, je crois que l'amitié n'est plus comestible. L'amour en dit long, comme une carotte de pilon. L'enfile les lois, frère, comme celle de François Fillon. Souvent au fil avec ta fouffe, j'ai du feeling et du filon. Je côtoie la rue, je peux dire qu'Emma jamais appris à filer. Les mecs, je préfère me faire marcher dessus par 10 mecs que me défiler. Me parle pas tes kilos, oreille, moi, je vois que t'es qu'un faux filé. Tu joues les macros, t'as un corps de crevette, du ton, tu deviens un. Ils veulent me voir sur terre, t'inquiète, j'arrive et j'en dis pas trop. Toujours au chômage, donc je viens prendre la place de ton patron. Distribue des cartes, ton frère, rouge-moi et ma vision. Je suis là pour miser la mise. Oula, aïe. 76 carabes, c'est par jour le blues. Du game le blues. Du game blues. Du game le blues. Du game. Je fais des carnages. MC s'arrache. Yeah, nausée. Tous les jours, t'as plus faim, sorti des parcs pour les polos, mon parc, c'est ça de un bouffon. Un bif fait que pour les billets, et l'ami pour ça, mon gars, jamais le cœur brisé. Je te répète, on s'est fait tout seul. Je te répète, on s'est dirigé sans boussole. Je vais te faire repousser la misère. Révélation touche pas mes amis chers. On a grandi tous dans la même merde. Relève ton pote si tu vas courir à sa paix. Rien n'est acquis, y'a pas de crâne. Tu veux crâner, va mon gars, faut charbonner. Tu veux la marque de la fabrique, à fait qu'un panté. Je veux le poste de mon équipe, à force de malfrats. Ici des quartiers meurtriers, fortifiés par le pays, on blesse le fils. C'est dommage, c'est un pied dans la rue et l'autre dans la musique. J'ai chargé la calache qui rap. Mon son c'est de la calache qui frappe. Tu veux être le parrain dans la ville. Décharger des kilos de frappe. Agrès les MC, on a fini par chier l'amour du danger. Drop de bonhomme, pour les hood boys. Que tu sèmes, les Zahia. Après la guerre, on danse le Mia. Par les soldats, c'est pique qui se mouille. Yeah, un saut de malfrat, cousin. Prêt. 94 cousins. Ok, je rentre sur le beat, préviens ta clique. À source de malfrats, je revendique. Chez nous ça kick, j'y sais des bites. Pour que plus tard, à sucer des bites. Y'a que des mythos, je le dis bien haut. Ça pisse pas loin, y'a que des marques de vélo. Fais là à d'autres, tu nous impressionnes pas. On n'est pas des marmots. J'ai fait des trucs durs à croire. Je m'en vante pas, seuls les vrais arts. Depuis le début, j'ai la dalle, gros. Jamais traîné avec des traces. T'es des nôtres, t'es un brave. Tu trahis, ouais ça c'est grave. Attends-toi à qu'on t'attrape. Barre dans la bouche, gros, tu iras pas des plaintes. Derrière un mic, mais face à face, y'a personne qui charge. Tous des mythos, que des lobsters. Faut que le game, j'ai du rap de vodka. Un pour ma clique, deux pour la street. Moi quand je débite, faut pas me sucer la bite. Choisis, j'habite et chaque jour revendique. Un nouveau business, c'est stratégique. Vas-y, dire ta clique. Un sauce de mal, on fait la diff. Derrière deux. Ok. Pico, Jarro, tous les gants fermés, ma gueule. Ouais, yeah, yeah. Joyeux anniversaire, maman. Yeah. Et groupe S, écoute ça, ça fait R.O.P.S. papy, mon son c'est de l'or, pas du bronze. Harry, 2015, t'inquiète pas, j'arrive pour faire du sale. Tu nous croyais dead, prends ça dans ta face. Écoute bien ce texte, aventure, ne cherche plus, on est déjà trop loin. C'est pas au singe qu'on apprend à faire la grimace, cousin. J'ai trop d'inspire, tu ne me stoppes pas. Affaiblirai, t'aimerais trop ça. Je débite et ça tue ça. Un missile posé de Mars, soit t'écoutes ou tu tasses. Appelle moi Ike, le pionnier d'instru. Moi je dirais même plus, écoute ça, yeah. Ça dit quoi? Chaque quartier. Je vais faire un tour dans mon val de malfrats. Y'a des soldats fâchés, des brigadiers du bitume, des généraux fâchés par la mission éprouvée. N'essaie jamais de regarder, tu risquerais de te retrouver. Un tel a fait un X et X et un T. Tout l'armée, tu l'as retrouvé. Un deck pour ses étoiles, tu peux te faire trouer. Je dépasse tout mon somme sur les tribunaux qui nous font écrouer. Fuck les tas, un serrateur de disquettes, ils sont trop doués. On rassoit à Afrique, un point d'armes malgré leur coup de fouet. là mon assos, 9-4 pas sont tatoués. J'ai roulé surfer dans la merde avec une bouée. À croire que là ma chance me hante, me heurte, mais je suis pas foué. Le reste aura fait qu'un pantard malgré leur coup de fouet. Fidèle à mon assos, 9-4 pas sont tatoués. Ok, ça fait. Devrais me cagouler et même pas laisser d'empreinte. C'est vrai que t'as coulé depuis que j'ai mis le rap enceinte. Plus qu'un fond que pisté, non, je suis pas un gars simple. Ta meuf aime me sucer, pourtant j'ai pas le bac 5. J'tape une hard boîte direct si j'aperçois la bague 5. J'fume une barre, j'pousse la barre, rien à foutre d'aller faire la baigne. Au mitard, les bâtards ils veulent m'y revoir toute la semaine. Des kilos dans les cachotos, on se balance les sirènes. Des photos dans les matchs photos, on a reçu Kiren. Le troco c'est trois à l'ancienne, j'balade madame en Armani. Ici d'un bâtiment clan, j'manie les armes, le Mike l'ami. Ici la bague mon corps, quitte à la mif que je l'aime aussi. Ici la drogue et la douce, pour des yébis, ça fait des yankees. Tu veux la toucher, la crotte, yézébi, tu fais le gentil dans tous les sens, je l'adore. Adolescent, au raptor, oh oui, je passe les rapports. Je nique tout en bloc, nique la justice et les majors, hey. Écoute ça. À ce qui paraît, je rappe trop lentement. La prod, je la prends, je la baisse et je te la rends. Au match, je me donne à fond, comme dans le champ. Numéro 12 dans le dos, t'es sur le banc. Le baril est plein, mes cordes vocales sont chargées. Des potes, j'en veux aucun. Je suis là pour mitrailler, je craque pas le soutien. Seulement des peines, j'en mets cahier. Mon pic m'a fait mon sticky, je peux m'en jailler. Pour la Palestine, en 10, je suis engagé. Blair, Rap Ghetto 2. Dans l'oreiller kiff, comment le nègre kill en libre style. J'ai débuté sans team, seul et sans aucun centime. Je rêvais de signer au jeu hostile, avoir des prods de Jimmy Finger. Être à bête de singer, faire des putains de singles. Malheureusement, ils prennent notre musique pour leur chienne. Boycotté sur les chaînes hertziennes, on n'a pas l'air chum. Mais je persévère, persévère, car c'est vrai que j'ai le talent pour le plus rare score sévère. Mais oui, bien sûr que je veux faire ma place et faire des billets. Mais oui, bien sûr que je veux faire de la tasse par le billet de ma musique. Mais je sais que je ne suis qu'un artiste insignifiant que pour briller. Devait peut-être me désabonner. Je viens pas de nulle part si je te dis son trafic. J'ai des micros classiques avec une discographique. Depuis talent fâché 1, je fais des crimes sur tracklist. Mon flow te braque et te traque, tu craques le flow. Ah, cash money, monnaie. Je roule pour la monnaie, monnaie. Fais du sale pour la monnaie, monnaie. Que des billets, pas de monnaie, monnaie. Si ça parle en cash money, monnaie. Je roule pour la monnaie, monnaie. Fais du sale pour la monnaie, monnaie. Que des billets, pas de monnaie. Ok, fais péter le rallye sur des bourrins méga mises. Elle a pipé la huise, bah, dégué la mise. Les bails, tu connais, coupable, j'en pété la mif. Nos tailles, nos monnaies, comme dry, j'fais mes valises. Jour du tintam sur ton tinier bombé. Encore un couvreur de fond qui s'est fait plomber. J'ai de quoi les faire faille abonder. L'amour du risque, mes frères n'y peuvent pas succomber. J'ai à sauce de malfrat. Ok, À sauce de malfrat, cousin. À sauce de malfrat, cousin. À sauce de malfrat, cousin. À sauce de malfrat, cousin. Mais où sont mes hood boys? Viens en découdre ma life. Un homme de plus de 100 kilos sur la poutre. Non, je n'ai pas craché dans la soupe. C'est l'hôtesse de l'air qui se fait découper dans la soupe. Plus qu'est-ce que j'en ai fait à la poésie. Je récolte les fleurs du mal comme Baudelaire. Aux frères écroués, je leur dis bon tenir. J'ai de la bonne haya dans les conteneurs. C'est Boys in the Hood. On chie sur Hollywood. Voisin mon sponsor, pour aller sur mes roues. J'avance pas à pas, même si ce monde est flou. Hey, gangster shit, appelle-nous le Wu-Tang. Ici K pour Halloween. Girl, tu m'as lu profond, j't'enfonce mon chromie. Ainsi font les Will, fuck les Tony. Le facteur est passé piégé, sont les colis. Hey, j'marque une trêve de plaisanterie. N'étant qu'un légionnaire qui gît sur l'infanterie. J'clique à la Ghostface, appelle-moi Matt Candy. Tu pleures la mort d'un proche, ou frappe plus l'accent. Hey, je demande à l'âme sensible de s'abstenir. Oh, les mythomanes, je les ai vus venir. Crise de nerfs, barre de rire. Ainsi va son dire, on te contexte sans te prévenir. Roi dans ma fierté. J'en fais la sauvagerie dans mon costume cintré. C'est pas moi, tu vas la fermer. Et si tu veux de la putain de frappe, vas-y l'errer. Aux anciens conseillers, qu'on purge leur peine dans des conditions pédées. Qu'on puisse faire face pour se réinsérer. La sauvage rapide dessus contaminée. Au genre des ghetto classiques dans le mental. Mon 44 dans UK. Tu vas digérer. On n'est pas là pour jouer. Les playboys, ça veut boire du sang par litre engorgé. Agressif quand on soit offensé. On veut te mettre sur un coup de crosse dans la tête. On te traite un casque, une bécane. Un sacré tir, ta vie n'est qu'un trait. Je rends hommage aux frères décédés. La vie continue, on va pas oublier. On opère les passants discrets à l'abri des patients, des œufs, des condés. Mon pâté faiblesse, tu vas te faire crailler. Les frères vont te jeter dans le fossé. En milieu aussi, sous par les oraux, tu vois. Faire monter, faire jeter. Yeah, ils sont Boy, boy, c'est hey, le good boy. Ça rap va kicker. Ghetto 2 dans les bacs. Rap Ghetto 2, Polo, on est là ou pas? Ouais. Hey, ça va kicker sur Nas et les Fugees. Le morceau à l'époque était sorti, j'avais 8 piges. Le rap français dominé par Booba Ali. Lunatique, yeah. Malek allemand, loin des tous les Bégalés. On avait sorti le flow rebou classique et les Levis. À l'époque, c'était Mike Tyson contre Lewis. Le secteur a dominé, ça c'est les jeux gars. Pas de couteau, pas de taser, le respect venait du regard. Hey, tu faisais tes courses et les choix à Monoprix. Cybercafé Minitel, à l'époque, y'avait pas free. Les grands respectaient les petits et les petits les grands. On avait pas un avec des gants. Y'avait pas de grand frère, y'avait pas Pascal, y'avait pas d'ennemis, y'avait des voyous. On respectait nos ennemis. All eyes on me, l'époque tout pack de bière et les ennemis. Les là. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Ok, yeah, hein, écoute ça, boy, Toto. Eh, eh, les MC veulent ma place. Négro, rap ghetto volume 2, Polo, Polo. Merci à toi, Fred, de nous avoir reçus. Merci, il y avait du monde en live. Merci, Fredo. Merci à vous tous. RUBS, Bordeaux, les gens sont venus. Check ça, mon frère. Je les connais. Polo, on rappelle que c'est dans les bacs. Attendez, les gars, un peu de calme. Là, pour annoncer tout ça quand même. 3 novembre dans les bacs. Donc voilà, 2 CD, 40 titres, 100% inédit. Il y a Soprano, Lino, des gens qui étaient pas là. Voilà quoi, Six, LIM, Pejmax, Zesso, Pejmax, Seagull, voilà. Plus de 100 artistes. Et bah merci à vous tous, merci à toi Polo, merci à toi Skyrock, merci beaucoup, merci à tous ceux qui sont passés. Bonne soirée, bonne soirée à vous tous. Un petit peu de son dans la nocturne. Yes, attendez mon fils. Ciao. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Allez, suite de la nocturne maintenant. Black Shady part 3. Black M était là toute la semaine dans Planète Rap. Ça sort lundi la réédition de l'album. Puis juste après, on écoutera celui qui va prendre sa place dès lundi, La Fouine et Cozy dans la nocturne 100% rap français. Black Shady, partie 3. Nabila, coup de Louboutin. Parler, jacter ça ne m'atteint. Je te le redis, je suis comme ton pas. Star pour là, je goûte de Lady Gaga. Putain de game, mettez-vous en WAD. Ou faites comme Sirkis, mettez-vous en WAD. Moi, en tous les cas, vous n'allez pas m'avoir. Dis David que je n'aime pas sa voix. Oups. Je veux pas le savoir, de toute façon j'ai déjà ses pères. Peut-être je vais faire comme Jackson, oui peut-être je vais lâcher mes frères. Enfin bref, moi c'est Black Shady. Tu n'as aucune chance d'être ma chérie. Je suis complètement hystérique, je peux te lâcher au milieu du péri. Te dire non le jour de la mairie, mairie. Fuck le rêve de l'Amérique, où le Rona meurt dans la série, série. Moi plus rien ne me fait rire. Pourquoi il verra tous comme Caris? Et toi pourquoi tu me racontes Caïf? Dans ma tête y'a déjà des grosses manifs. Des mecs qui crient on veut du Ralus. Wesh Fred, dis-moi à quand mon planète. Votre playlist n'est pas nette. Shady va tous vous carner. Présent depuis des années, mon concurrent n'est pas né. Les anciens ne peuvent pas nier que des phases mémorables, comme l'interview de Nora. Je me suis tapé une bonne baffe, elle a dû se dire c'est pas comme ça. Vous vouliez un scoop, vous êtes servi. Vous ne méritez que mon huc en selfie. Je veux qu'on me paye même si c'est en CFA. Ramenez-moi le boss du rap, c'est franc. Big up à mon gars, pas ce franc. C'est de l'indé que vient toute la se porte. Oui, on aimerait tous retrouver la section d'avant entre Bella et sur ma route. Y'a de quoi parler sur leur Davo. Les puristes sont pharaons, y'a de l'argent comme à Roland Garros. Numéro 1 dans le club, il t'a menti celui qui dit qu'il était mieux à l'époque. Mon son n'a jamais baissé son froc. C'est la jalousie qui fait que tu jactes toi et tes potes. Mon son, les vrais soldats l'ont big up. Ils ont reconnu que j'ai fait le taf dans ce putain d'hip-hop. Mon son, excusez-moi j'ai des tocs. Et le Black M lui son rêve c'est simplement que je me stoppe. Je suis le mauvais quart d'heure des carteurs. Ramène Solange dans l'ascenseur négueuse et j'ai pas peur. Et je sais pas ce qui se passe dans la tête de tous ces nègres. On dirait qu'ils sont bons qu'à sucer le Pascal nègre. Peut-être j'en dis trop ou pas assez. Dédicace à Stomy Passy. Et le reste ne fait que m'agacer. Je suis pas meilleur qui veut gazer. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Gaza? Tout le monde fait genre de ne pas voir. Chez Kada hier leur casa. Ou sur le net à la casa. Stop! Carton rouge, le game expulsé. Des terres comme Carteron. Mon flow fait mal et ça tu le sais. Oh, c'est marrant. Ils veulent tous faire des hits, pour tomber même le Watibé. Un jour ou l'autre va faire faillite. La gloire, c'est éphémère. Ta star, M vénère. Parce qu'elle chie sur les humains. Or qu'elle pff, comme les humains. Wesh, les neufs, y'aura pas le retour de l'EFA. Encore moins le retour des rois. La section ne fait plus de rats. L'argent divise les gens, c'est ce que tu voulais entendre, hein. Si ça marche en solo, c'est plus bénéfique pour tout prendre, hein. Hey yo, les rappeurs frustrés, ne faites pas. Les rageux, ne faites pas. Comme John Rashid, faut faire son bif et s'arracher. Pendant que t'as mal à ton rap, là. Va chez moi, y'a Ebola. L'Afrique est dans la haine, t'as besoin du bif de Coca-Cola. Mais comme le monde est raciste, très peu sont là pour épauler. J'en place pour mes dollars, mes honneurs comme Petro Dollars.

C'est fini pour la nocturne 100% rap français avec un son de Seth Gecko qui nous prépare des choses lourdes. On lui passe un petit coup de fil, tiens, Seth Gecko prochainement dans une nocturne. Il est en Thaïlande avec Jason Voorhees qu'on salue aussi. Transat, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. C'est fini pour la nocturne. Prochaine nocturne dans une semaine, lundi. Planète Rap spécial CDC 4, capitale du crime 4, avec La Fouine et ses invités. Loupez pas le rencard dès lundi 20h. D'ici là, passez une bonne semaine. Et puis un bon week-end surtout. Ciao, bonne nuit. Fabuleux. On est prêts? Rap R&B non-stop. Skyrock. Rap R&B en premier. Rap R&B non-stop.